Madame Du, c'est pas tous les jours qu'on rigole, y a eu plus d'un malentendu. Personne n'est tout blanc ou tout noir, je vous le dis dans cette histoire. Madame Gwen est un peu torpène, Madame Du est un peu tordue. Méchanceté, mais comme disait Madame Craignou, ça sont tous des digares et choux. Le jour du 14 juillet, Madame Gwen sort le drapeau français. Pour l'embêter, Madame Du avait sorti son Gwenadu. Comme des petits lus. Madame Gwen habite à Port-Gwen, Madame Du habite au Poule-Du. Madame Gwen travaille chez Yven, Madame Du est au Chaume-Du. Madame Gwen chante dans les mariages, toute fière vêtue de blanc. Elle envoie cette pauvre Madame Du chanter dans les enterrements. La la la la la la la la la la la la Léno. La la la la la la la la la la la Léno. Et pendant que leurs dames s'activent, faut pas croire qu'ils font la lessive. On les a retrouvés à sa main, oh oui. Comme des coins. Madame Du, d'avoir tout vu, tout entendu. Madame Du dit de Madame Gwen, c'est une vraie Castro-Lorraine. Un peu frifois, un peu mêle-tout, on les aime quand même malgré tout. Car comme disait Madame Lostis, elles sont bonnes pour rendre service. On voit leurs deux Gastaruériou qui sont parfois chez Monique. Oh non, juste pour boire un coup.